La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset. Introduction à la Cité de Dieu. Accord de la philosophie platonicienne et du christianisme dans l'ordre des problèmes logiques. La logique ou la dialectique de Platon, peu importe les termes, s'appuie sur deux principes. Premièrement, le rappel de l'âme à elle-même, selon la maxime socratique. Deuxièmement, le mouvement progressif qui élève l'âme aux vérités nécessaires, aux idées, et des idées à Dieu, c'est ce que Platon appelle la marche dialectique. Platon, République, livre 6. Développons ces deux principes. Au premier regard que l'homme jette sur l'univers, il est séduit par la grandeur et la variété de ses phénomènes et se persuade aisément que ces objets parés de si riches couleurs sont le type même de toute existence. Mais l'illusion dure peu. Tout esprit élevé ne tarde pas à reconnaître que, sur cette scène brillante du monde visible, rien ne dure, rien ne garde une assiette ferme et stable. Tout se décompose, tout change, tout périt. Aussi, quand le grand Héraclite, élevé à une école de physiciens et de physiologistes, essaya de se rendre compte de la nature à l'aide des sens, elle lui apparut comme une sorte de fleuve rapide qui entraîne tout. Platon, Crate-t-il, page 402a. L'homme, jeté au milieu de ses flots, est lui-même un flot toujours changeant. Et c'est ce que le sage Dionysie, plus d'une fois saisi de tristesse devant cette universelle mobilité, exprimait avec une grâce familière en disant « Le même homme ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. » Mais Platon ne s'arrête pas où s'arrêtait Héraclite. Si le monde sensible ne peut le satisfaire, ce n'est pas seulement parce qu'il est variable, c'est aussi parce qu'il est plein de contradictions. En effet, regardez ce monde avec les yeux du corps, tout y est lutte, désordre, chaos. C'est un combat des éléments les uns contre les autres, du froid contre le chaud, de la mort contre la vie, et, si vous passez de la nature à l'humanité, vous trouvez partout le bien à côté du mal, la laideur ternissant la beauté, la justice aux prises avec l'injustice, l'ordre en guerre avec le désordre. République, livre 6. Où saisir la justice accomplie, la beauté sans tache, le bien sans mélange, la vérité non souillée d'ignorance et d'erreur, en un mot l'être pur de toute négation, l'être stable et permanent, l'être véritable. Ce n'est pas évidemment dans ce chaos de phénomènes contradictoires colorés d'un trompeur éclat par la fausse lumière des sens. Il faut donc que le philosophe se détache du monde physique, se replie sur lui-même, et se recueille dans son âme, comme dans un temple inaccessible au bruit et aux agitations du dehors. Parvenu à ce point, l'ami de la vérité a fait un grand pas. Il s'est purifié, il s'est rendu capable de connaître la vérité. C'est la raison qui va la lui découvrir. Au-dedans de nous, en effet, brille une lumière dont les séductions du monde nous empêchent d'apercevoir les purs rayons. Pour s'accoutumer par degrés à discerner et à goûter cette lumière intelligible, il faut une éducation de l'esprit qui ne se fait pas en un jour. De là l'utilité supérieure des sciences mathématiques, c'est en considérant ces lois abstraites des nombres qui gouvernent toute la nature visible, ces formes pures de la géométrie qui sont comme les modèles sur lesquels ont été formés les corps de l'univers, ces rapports fixes et universels qui font l'harmonie secrète des sphères célestes, Platon, République, livre 7, c'est par tous ces degrés que l'initiation du philosophe s'accomplit. Il s'exerce peu à peu à comprendre que le visible n'est pas la mesure du réel, que l'être véritable, c'est l'idéal. L'idéal, voilà l'objet propre du philosophe. quand il est enfin devenu capable de ne plus regarder les choses qu'avec la raison, alors il comprend qu'il y a un type de beauté absolue dont les beautés de ce monde ne sont que des copies imparfaites, une justice éternelle, loi imprescriptible des codes périssables des nations, une harmonie secrète des existences qui ne peut se toucher ni se voir, mais que la raison nous fait saisir, enfin, une vérité universelle, comme un flambeau des intelligences, étrangère à nos doutes et à nos erreurs, et qui, se donnant à tous, unit les hommes dans la conscience des mêmes droits, des mêmes devoirs, des mêmes espérances. Or, cette vérité éternelle, où est-elle? Elle apparaît dans nos esprits, mais elle en est indépendante. Elle éclate dans toute la nature, mais elle la domine et la surpasse infiniment. Elle ne peut toutefois exister d'une manière abstraite. Qu'est-elle donc, sinon la splendeur d'un principe plus caché, en sorte qu'au-dessus de la vérité même, si sainte et si auguste qu'elle soit, il y a quelque chose de plus auguste encore et de plus saint, savoir l'être des êtres, l'idée des idées, le bien en soi, Dieu. Tels sont les traits essentiels de la logique platonicienne. Saint Augustin, qui les a recueillis 100 fois dans ses écrits, y reconnaît les lois éternelles de l'esprit humain. Mépris du monde sensible, rappel de l'âme à elle-même, marche ascendante de la raison humaine vers le Verbe et du Verbe à Dieu par les idées et les vérités éternelles, il adopte tous ses principes, et, appuyé sur Saint Paul et Saint Jean, il les incorpore sans effort au dogme chrétien. Nous avons vu combien la jeunesse de Saint Augustin avait été fascinée par les impressions et les images du monde extérieur. Ce fut la cause réelle qui le fit persister si longtemps dans le manichéisme. La lecture des livres saints ne put l'arracher à ce joug. Il fallut Platon pour apprendre à Saint Augustin que la sensation est si peu la mesure du vrai que la première démarche d'une âme philosophique, c'est de quitter la région du visible pour rentrer en soi. Là seulement elle commence à trouver des notions claires et distinctes. Cette certitude et cette évidence supérieure de la réflexion dans leur contraste avec l'inconsistance et l'obscurité des sens. Saint Augustin l'a exprimé d'une manière si originale que son génie semble devancer les siècles et franchir d'un seul bond l'intervalle qui sépare Platon de Descartes. Il faut lire tout entier ce mémorable chapitre de la Cité de Dieu, qui semble avoir inspiré l'auteur des Méditations. Notre être intérieur, dit Saint Augustin, embrasse, quoique simple, 3 éléments distincts, l'être, la connaissance et l'amour. Nous sommes, nous connaissons que nous sommes, et nous aimons notre être et la connaissance que nous en avons. Aucune illusion n'est possible sur ces 3 objets, car nous n'avons pas besoin pour les connaître de l'intermédiaire d'un sens corporel, ainsi qu'il arrive des objets qui sont hors de nous, comme la couleur qui n'est pas saisie sans la vue, le son sans l'ouïe, les sensations sans l'odorat, les saveurs sans le goût, le dur et le mou sans le toucher, toutes choses sensibles dont nous avons aussi dans l'esprit et dans la mémoire des images très ressemblantes et cependant incorporelles, qui suffisent pour exciter nos désirs. Mais je suis très certain, sans fantôme et sans illusion de l'imagination, que j'existe pour moi-même, que je connais et que j'aime mon être. Et je ne redoute point ici les arguments des académiciens. Je ne crains pas qu'ils me disent « Mais si vous vous trompez ?» Si je me trompe, je suis, car celui qui n'est pas ne peut être trompé, et de cela même que je suis trompé, il résulte que je suis. Comment donc me puis-je tromper en croyant que je suis, du moment qu'il est certain que je suis, si je suis trompé? Ainsi, puisque je serai toujours, moi qui serai trompé, quand il serait vrai que je me tromperais, il est indubitable que je ne puis me tromper, lorsque je crois que je suis. Il suit de là que, quand je connais que je connais, je ne me trompe pas non plus. car je connais que j'ai cette connaissance de la même manière que je connais que je suis. Lorsque j'aime ces deux choses, j'y en ajoute une troisième qui est mon amour, dont je ne suis pas moins assuré que des deux autres. Je ne me trompe pas, lorsque je pense aimer, ne pouvant me tromper touchant ce que j'aime, car alors même que ce que j'aime serait faux, il serait toujours vrai que je l'aime. Cité de Dieu, livre 11, chapitre 20. En lisant cette page subtile et profonde, ne la dirait-on pas empruntée à Descartes? Et ce n'est point ici une de ces pensées qu'une inspiration rapide et soudaine fait briller à l'esprit et qui se dissipe pour ne plus revenir. Saint Augustin a insisté plusieurs fois en ses divers écrits, et aux époques les plus différentes de sa carrière sur cette évidence supérieure qui brille au-dedans de nous, et qui, pendant que les objets sensibles chancellent sous les coups du scepticisme, nous donne contre le doute un point d'appui inébranlable. Ainsi, nous le voyons, dans un de ses premiers essais, les soliloques, dérobés presque au père de la philosophie moderne, non seulement son principe fondamental, mais encore la forme originale qu'il lui a donnée par le cogito ergo sum. Voyez-le de la Trinité, livre 10, chapitre 10, le du libre arbitre, livre 2, chapitre 3, et comparé avec les passages indiqués de la Cité de Dieu et des soliloques. On sait que les soliloques sont un dialogue entre l'âme humaine et la raison divine. Toi, qui veux te connaître, dis la raison, sais-tu si tu existes? Je l'ignore. Sais-tu si tu es simple ou multiple? Je l'ignore. Sais-tu si tu te meus? Je l'ignore. Sais-tu si tu penses? Je le sais. Livre 2, chapitre 1er. Nous ne conclurons pas de ces curieuses analogies que Descartes soit le plagiat de saint Augustin, ni qu'il faille saluer dans l'auteur de la Cité de Dieu le véritable père de la philosophie moderne. Car quel intervalle immense n'y a-t-il pas entre le germe à peine ébauché d'une conception métaphysique et le riche épanouissement d'un système qui embrasse Dieu, l'homme et la nature en son ample sein? Mais, à coup sûr, dans cet ingénieux effort de saint Augustin pour dérober au scepticisme l'existence du moi pensant et pour faire éclater ce qu'il y a d'irrésistible dans le cri de la conscience, nul ne refusera de reconnaître un trait admirable par où saint Augustin se rattache à la fois à Platon et à Descartes, inspiré par le premier et peut-être inspirateur secret du second. Rentrée en elle-même, après s'être dérobée aux séductions des choses sensibles, l'âme, suivant Platon, doit se purifier et s'exercer encore dans les épreuves du raisonnement abstrait et dans la contemplation des objets mathématiques, avant de demander à la raison pure la suprême initiation. L'auteur de la République marque avec une précision extrême cette suite de degrés, au-dessus de la sensation changeante et incertaine, qu'il appelle la conjecture, il place le jugement encore aveugle, qu'il nomme la foi. Au-dessus de la foi, s'élève, dans une région déjà très supérieure, la connaissance raisonnée, la raison discursive, qui trouve dans les abstractions et les déductions des mathématiques son application la plus parfaite. Vient enfin, au sommet de cette échelle, la connaissance par excellence, la raison, qui non seulement s'affranchit des sens et des préjugés vulgaires, mais qui, au lieu de suivre avec effort la chaîne des déductions, va droit au principe, le saisit en lui-même dans sa pureté, et nous livre, le vrai en soi et par soi. Voyez Platon, République, livre 6, à la fin. Sur l'insuffisance des sens extérieurs et l'évidence propre aux sens intimes, voyez les chapitres 26, 27 et 28 du livre 11 de la Cité de Dieu. Comparez livre 8, chapitre 5 et 7, livre 10, chapitre 2 et ailleurs. Saint Augustin prescrit le même ordre en philosophe. Cette marche ascendante est celle dont il a lui-même franchi successivement les degrés, comme il nous l'apprend en ses Confessions, livre 7, chapitre 17. De la considération des choses corporelles, j'étais venu à celle de l'âme, qui s'empare le moyen du corps, et de là à cette faculté intérieure de l'âme à laquelle les sens rapportent ce qu'ils ont aperçu des choses du dehors, et qui est le plus haut degré de la connaissance chez les animaux. De là j'étais monté jusqu'à la faculté qui raisonne, et à qui il appartient de prononcer sur ce qui lui est rapporté par les sens, et ayant reconnu que celle-là même était sujette au changement, je m'étais retiré jusqu'au plus haut de mon intelligence. Ce fut là qu'écartant toutes les illusions de la coutume et tous les fantômes de l'imagination, je me demandais quelle était donc cette lumière dont ma raison était éclairée, lorsqu'elle prononçait sans hésiter que ce qui est incapable de changement vaut mieux que ce qui en est capable, et d'où lui venait même la notion qu'elle avait de cette nature immuable qu'elle n'aurait point mise, comme elle le faisait, au-dessus de tout ce qui est sujet à changer, si elle n'en avait eu quelque idée, et enfin je parvins à découvrir ce qui est souverainement. Mais avant de s'élancer en ces hautes régions de la raison pure, saint Augustin recommande, comme Platon, de s'éprouver par une culture assidue des sciences. Entre le monde sensible, région du réel, et le monde intelligible, région de l'idéal, il y a un intermédiaire, c'est le monde mathématique, région de l'abstraction. En plusieurs passages de la Cité de Dieu, saint Augustin fait ressortir l'excellence de la connaissance mathématique, livre 11, chapitre 20. Partout il célèbre la puissance des nombres, livre 12, chapitre 18. Mais c'est dans les traités de l'ordre et de la musique que saint Augustin parle des mathématiques en vrai disciple de Philolaüs et de Platon. Il nomme vénérable et presque divine la philosophie pythagoricienne. C'est, dit-il, après avoir recueilli les enseignements de cette philosophie, et conçu par la pensée les nombres purs, les quantités intelligibles, c'est avec le secours de tous les arts libéraux que l'esprit s'approchera de l'idée de Dieu. Pour saint Augustin, comme pour Platon et Pythagore, l'harmonie qui charme nos sens par la musique n'est que l'expression faible et imparfaite d'une harmonie intellectuelle que l'esprit seul peut saisir. Cette harmonie qui, dans les nombres sensibles ne se retrouve pas certaine et constante, mais dont nous reconnaissons ici-bas comme l'image et l'écho fugitif, ne serait pas désirée par l'âme, si la notion n'en existait pas quelque part. Or, ce n'est pas sur un point de l'espace et de temps. L'espace est inégal et le temps passager. Où la places-tu donc, dis-le-moi, si tu peux. Ce n'est pas dans les formes corporelles, dont à la seule vue tu n'oseras pas affirmer l'exacte proportion. Ce n'est pas dans les divisions du temps. Nous ignorons si elles sont plus étendues ou plus courtes qu'il ne faudrait. Où se trouve donc cette harmonie que nous souhaitons dans la forme et le mouvement des corps, mais pour laquelle nous ne nous fions pas à eux? Elle se trouve dans ce qui est supérieur au corps, dans l'âme ou dans ce qui est au-dessus de l'âme. De la musique, traduction de Monsieur Villemain, saint Augustin Opéra, tome 1, page 688. C'est seulement après avoir traversé cette série d'épreuves et de purifications que l'âme entre enfin dans la région des idées. Nous allons voir saint Augustin s'y établir avec Platon, et le suivre comme un guide assuré parmi ces sphères du monde intelligible. La théorie des idées présente deux aspects, elle est à la fois une théorie de la connaissance et une théorie de l'existence. Elle a un côté subjectif et psychologique, comme on dirait aujourd'hui, et un côté ontologique et objectif. Au point de vue de la connaissance, elle enseigne que l'organe de la vérité, c'est la raison, faculté divine, qui nous met en communication avec la raison éternelle et universelle. Au point de vue de l'existence, Elle enseigne que tout être réel n'existe que par son rapport à une idée, que les idées sont les véritables essences, qu'elles existent avant les choses, qu'elles sont les modèles et les causes de tous les êtres, qu'elles forment enfin un système harmonieux qui a son centre dans l'intelligence et l'essence de Dieu même. Sur tous ces points, l'auteur de la Cité de Dieu reproduit les pensées, accepte le langage, souscrit aux conclusions de l'auteur du Timée, du Banquet et de la République. Si pour juger des couleurs, dit-il, et de tout autre objet sensible, nous consultons la lumière, les éléments de ce monde, les objets eux-mêmes et les sens qui nous servent d'interprètes, pour les choses intelligibles, c'est la vérité intérieure que notre raison interroge. Tout ce que nous percevons, en effet, nous le percevons ou par le sens corporel ou par l'âme. L'un perçoit les choses sensibles, l'autre les choses intelligibles. Lorsqu'il s'agit en nos discours des choses que nous voyons par l'âme, c'est-à-dire par l'intelligence et la raison, nous exprimons au dehors ce qui nous apparaît au-dedans à l'aide de cette lumière de la vérité dont l'être qu'on appelle homme est éclairé. Mais celui qui m'écoute, s'il voit aussi les mêmes choses du regard simple et secret de l'âme, les apprend réellement, non de mes paroles, mais de sa propre contemplation. Ce n'est pas moi qui, même en disant la vérité, la lui enseigne, puisqu'il la voit. Il est instruit, non par mes discours, mais par les choses mêmes, Dieu les dévoilant au-dedans de lui. Du Maître, chapitre 12. Saint Augustin ne se lasse pas d'invoquer cette doctrine toute platonicienne d'une raison universelle qui plane au-dessus de toutes les intelligences et les éclaire de ses rayons. C'est comme un thème favori qu'il développe avec une variété et une richesse inépuisables. Dans un de ses plus beaux dialogues, il dit à son interlocuteur Évode : Tu ne nieras pas qu'il y ait une vérité immuable qui renferme en soi toutes les choses immuablement vraies et que tu ne peux dire, ni tienne, ni mienne, ni particulière à aucun homme, mais offerte et présente à tous, pour être comme une lumière à la fois secrète et publique. Peut-on dire en effet que tout ce qui apparaît semblable à tous ceux qui résonnent appartiennent en propre à la nature d'aucun d'eux? Tu te souviens, sans doute, de ce qui a été dit naguère sur les sens corporels, que les choses dont la perception nous est commune, les couleurs et les sons que toi et moi nous voyons, nous entendons en même temps, n'appartiennent pas à l'essence de nos yeux et de nos oreilles, mais nous sont communes par la sensation. De même les choses que toi et moi nous voyons en commun par l'esprit, tu ne peux dire qu'elles appartiennent à l'esprit de l'un de nous. Ce que voient les yeux de deux personnes n'est dans les yeux ni de l'une ni de l'autre, c'est un objet supérieur où se rencontre le regard. Cet objet n'est autre que la raison. Saint Augustin, après l'avoir défini en philosophe, la dépeint et la chante en poète. Elle n'écarte personne par l'encombrement de la foule, elle ne passe pas avec le temps, ne change pas de lieu, n'est pas interceptée par la nuit ou offusquée par l'ombre. De tous les points du monde, attirant ceux qui la cherchent, elle est près d'eux. Elle y est toujours, elle ne manque nulle part et jamais. Elle avertit en public, elle instruit en secret, elle transforme en bien tous ceux qui la voient. Et elle n'est changée en mal par personne. Du libre arbitre, livre 2, chapitre 12. Voir, Cité de Dieu, livre 10, chapitre 2. Vous êtes partout, vérité éternelle, et du trône où vous présidez à toutes choses, vous répondez à tous ceux qui vous consultent, et vous leur répondez tout à la fois, quelque différente que leur consultation puisse être. Vous répondez toujours clairement, mais on ne vous entend pas toujours avec la même clarté. Chacun vous consulte sur ce qui lui plaît, mais vos réponses ne sont pas toujours conformes aux désirs et aux inclinations de chacun. Vos bons et fidèles serviteurs sont ceux qui, au lieu de vouloir que vous leur répondiez selon leurs désirs et leurs inclinations, ne cherche qu'à les conformer à ce qu'il vous plaît de leur faire entendre. Confession, livre 10, chapitre 25. Voilà le côté psychologique de la théorie des idées, celui que saint Augustin a développé avec le plus de prédilection et d'éloquence, léguant à saint Anselme, à Bossuet, à Malebranche, à Fénelon, tout un héritage de vérités sublimes et de très admirables que ces grands esprits sauront accroître encore. Saint Augustin est plus sobre et plus court sur la théorie des idées considérées au point de vue ontologique, mais il n'est pas moins précis dans ses déclarations. Il n'y a pas, dit-il dans De la Cité de Dieu, il n'y a pas plusieurs sagesses, mais une seule, en qui se trouvent ces trésors immenses et infinis où sont les raisons invisibles et immuables de toutes les choses muables et visibles qu'elle a créées. Car Dieu n'a rien fait sans connaissance, ce qui ne pourrait se dire avec justice du moindre artisan. Or, s'il l'a fait tout avec connaissance, il est hors de doute qu'il n'a fait que ce qu'il avait premièrement connu, d'où l'on peut tirer cette conclusion merveilleuse, mais véritable, que nous ne connaîtrions point ce monde, s'il n'était, au lieu qu'il ne pourrait être, si Dieu ne le connaissait. Cité de Dieu, livre 11, chapitre 10. Même doctrine dans les confessions, où saint Augustin dit à Dieu, c'est parce que les choses que vous avez faites existent que nous les voyons, mais c'est parce que vous les voyez qu'elles existent. Confession, livre 13, chapitre 38. En vous, ô mon Dieu, subsiste la cause stable et permanente de toutes les choses qui sont le plus sujettes à l'instabilité, l'origine immuable de toutes celles qui sont le plus sujettes au changement, les idées et les raisons éternelles et vivantes de toutes celles qui ont le moins de durée, et, qui sont même privées de vie et de raison. Confession, livre 1, chapitre 6. Voici encore quelques passages tirés de divers écrits de saint Augustin, et qui réfléchissent manifestement l'idéalisme du Timée. Les idées sont les formes primordiales et comme les raisons immuables des choses. Elles ne sont pas créées, elles sont éternelles et toujours les mêmes. Elles sont contenues dans l'intelligence divine, et sans être sujettes à la naissance et à la mort. Elles sont les types suivant lesquels est formé tout ce qui naît et meurt. 83 Question numéro 46, des idées. Que si les raisons des choses à créer et des choses créées sont contenues dans l'intelligence divine, et s'il n'y a rien dans l'intelligence divine que d'éternel et d'immuable, les raisons des choses que Platon appelle des idées sont les vérités éternelles et immuables par la participation desquelles tout ce qui est tel qu'il est. Saint Augustin Opéra, tome 6, page 17. Nous venons de suivre saint Augustin s'élevant avec Platon sur les degrés de l'échelle dialectique. Il a fui le monde sensible pour rentrer dans son âme, et là, il a trouvé la raison qui, l'élevant au-dessus de lui-même, l'a conduit au monde idéal et à la vérité éternelle qui en est le centre. Le voilà introduit dans cette science supérieure qui fournit leurs principes à toutes les autres, je veux dire la science des choses divines, la métaphysique. Markendanarchive.org, 2019, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.